Avancez vers moi, c'est impossible de le dire avec les paroles, des mots, ça. C'est-à-dire que dans cet état où j'avance un peu perdu dans une distraction qui me fait regarder des affiches, des enseignes, des bistrots, des gens qui passent, et établir tout le temps des relations. Thank you. Thank you. America's public enemy number one. America's public enemy number one. We'll be right back.

Skills are now at the point of spiritual insight.

Over.